Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle saison du podcast de la cellule, podcast hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, parce que la dernière fois c'était Thomas qui ses acolytes, j'ai écouté le podcast, je me suis bien marré, qui vous présentait le podcast précédent. Donc bonne rentrée. On a commencé par qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Ok, on me passe en régie un message de la plus haute importance. Je ne vous le diffuse pas, chers auditeurs, mais il va se passer des choses pendant cette saison, la saison numéro 4. En effet, donc aujourd'hui Fabien. Salut. Ça va? Flavie. Bonjour. Adrien. Salut. Et Natacha. Salut. Nous allons vous présenter un nouveau concept d'émission. Déjà, le concept qui est le plus important, c'est de plus en plus de femmes, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Je voulais pas le souligner, mais bon. Je veux le souligner, de plus en plus de femmes, c'est important. Pas encore pareil. Donc, en tout cas, aujourd'hui, nouvelle émission, une émission qui sera consacrée à la création de jeux et qui va se poursuivre tout au long de la saison 4. On espère pouvoir vous proposer une saison sur la création, au moins un podcast tous les deux mois sur la création de jeux. Adrien, elle a un nom cette émission? Eh bien, on va l'appeler le garage. Garage JDR. Donc, je sais pas. Passe-moi la clé à résolution. Où est la boîte à outils? Où est la boîte à outils? Je ne sais pas qui a proposé ce nom complètement farfelu, mais en tout cas, voilà, ce sera le garage de JDR. Exactement. Et donc, on va parler de création de jeux. J'imagine que vous, chez vous, chers auditeurs, vous avez un jeu en tête, peut-être. Vous avez envie de vous lancer dans la création de jeux de rôle. Carrément, il ne faut pas hésiter. Nous aussi, hein, on a tous envie de se lancer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout par où commencer. Alors déjà, première émission aujourd'hui, par où commencer lorsqu'on veut se lancer dans la création d'un jeu de rôle. L'idée de cette émission, c'est de vous présenter nos tuyaux, nos petites idées. On n'est pas non plus des spécialistes de la création. On n'est pas là pour vous dire, voilà, pour faire un jeu de rôle, il faut faire ça, ça, ça, ça, et comme recettes, ça, ça réussira. Ça marche pas. Voilà, on n'est pas là pour vous donner des recettes. On est juste là pour vous dire, nous, par où on a commencé, en l'occurrence, cette émission, et puis vous donner des petites astuces qui, nous, au cours de notre carrière d'auteur de jeux de rôle, nous ont permis d'avancer, nous ont aidés, etc., etc. Et puis, si par hasard vous trouvez dans ces podcasts de quoi alimenter votre propre créativité, et bien voilà, le podcast aura été utile. Voilà, il n'est pas normatif, c'est vraiment consultatif. Voilà, si j'ose dire. Alors, n'hésitez pas non plus dans les commentaires sur ce podcast à nous laisser des idées, des questions. Des questions, des thèmes qui vous plairaient d'aborder. Nous, encore une fois, on ne sait pas si on pourra tout traiter. On n'est pas spécialiste de tout, loin de là. Mais on essaiera de répondre à vos questions, bien sûr. Alors, par où commencer, Fabien? Par toi, je pense. Oh, merci. Bon. T'es content, hein, la patate chaude. Je suis content parce que cette saison, on va avoir du Fabien Ilvine, quoi. Des kilomètres, hein, je te fais des podcasts les uns après les autres. Pareil qu'il faut laisser les autres parler. Alors, par où commencer, Fabien? Bon, moi, le premier conseil que je donne à n'importe quel rôliste, un conseil que donne John Wick, le type qui a un auteur de jeux de rôle qui a travaillé entre autres sur le livre des 5 anneaux, sur Seven Seas, enfin bon. Et ce brave John Wick dit: jouez à des tas de jeux. J'irais même plus loin, jouez surtout. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu le truc. Jouez surtout à des jeux que vous n'aimez pas pour voir ce qui vous plaît pas. Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis, mais... Flavie spécialise déjà le propos. Voilà. Alors, il y a déjà deux écoles. Bon. Non, en revanche, moi, ce que je vous dis, et là, je suis peut-être d'accord avec Flavie, c'est jouer à des jeux que vous ne connaissez pas. Parce que, y compris à des jeux qui vous semblent bizarres, vous dites, c'est pas du jeu de rôle, n'hésitez pas. Parce que ça va vous donner déjà des idées simplement en voyant ce qui se fait, et vous dire: tiens, ça, j'avais pas vu. C'est aussi à ça que, à mon avis, peuvent servir les one-shots. D'accord. C'est-à-dire que... Ça, c'est super, tu nous fais de la pub et tout. T'es vraiment une nouvelle recrue de choix. On croirait pas que je te fais... Exactement, on croirait pas que je fais de l'autopromo. C'est de l'autopromo. Jouer à des tas de jeux. Voilà. Regardez les jeux dont on vous parle dans les one shots sur Silent Drift. Intéressez-vous à ce qui sort. Et alors là, je vais faire un peu mon gros fan de jeux de rôle indépendants. Ne faites pas que des jeux de rôle podcast. ne faites pas que des jeux de rôle traditionnels ou des jeux de rôle classiques. Il y a des choses excellentes là-dedans, bien entendu, mais le jeu de rôle classique, c'est qu'une une petite partie de tout ce qui peut se faire potentiellement. C'est surtout dans le jeu de rôle, on va dire, non classique, indépendant, qu'on ne trouve pas forcément... Forger un, narration partagée. Anarchiste disons qu'il y aura des... On dit anarchiste du jeu de rôle. Disons qu'il y aura des choses qui pourront toujours être utilisées dans un jeu de rôle plus classique. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de faire un jeu de rôle, j'avoue, classique, avec MJ. Par contre, je m'inspire de certaines choses que j'ai pu voir dans des jeux de rôle qui étaient moins classique. Je précise quand même un truc, c'est que quand moi je parle de jeu de rôle traditionnel, vous faites ce que vous voulez après, mais quand je parle de jeu de rôle traditionnel, c'est un jeu de rôle avec un scénario, c'est-à-dire avec des points de passage obligés et dans lequel le meneur de jeu a le dernier mot. Donc il y a un meneur de jeu aussi, il y a un scénario, mais voilà. Il y a aussi un meneur. Par exemple, il y a des jeux de rôle, il y a plein de jeux de rôle indépendants qui ont un meneur de jeu, qui ont une préparation, mais dans lequel il y a pas de scénario dans lequel le meneur de jeu est soumis aux règles. Par exemple, Monostatos, un excellent jeu. C'est de l'autopromo. Non, là vraiment, ça. Je sens que je vais la chanter sans arrêt cette chanson pendant cette saison. Ouais, voilà. Ça va peut-être falloir la limiter en fait. Je pense que Fabien va épuiser son quota d'autopromo et après ça sera terminé. En fait, Fabien. Il faut te mettre un quota là, du mot monostatos. C'est la rentrée, on te lâche. T'es unleashed. T'es unleashed pour l'instant, Fabien. Voilà, mais est-ce qu'il pourrait pas, faire son autopromo hors du micro? Tu utilises 10 fois dans la saison. Maintenant, tu l'as déjà utilisé plusieurs fois. Ça fait mon autopromo à la concierge. J'ai envie de dire, ça va être 13 émissions de TF1. On aurait presque envie de voir la photo de ton livre sur l'écran. Attention, si on veut pas que la saison 4 devienne catastrophique, il faut tout de suite s'arrêter là. Tu veux dire dans les jeux de mots ? On est sérieux, reprenons. On est sérieux, Fabien, qu'est-ce que tu disais ? Tu t'en souviens plus ? Si, absolument. Ah, qu'il faut jouer à plein de jeux. D'accord. Donc, c'est la première. C'est essentiel parce que ça vous permet. Petite question. Alors, je termine mon truc. Ça vous permet de vous faire une culture. Et ça vous permet aussi de comprendre comment d'autres personnes ont pu traiter. Par exemple, si vous voulez faire un jeu de rôle sur les relations, jouez à Blistage. Parce que comme ça, vous comprendrez comment Ben Lehman a traité les relations en jeu de rôle. Mais ça, c'est vrai pour plein d'autres trucs. Ça vous évitera, de faire des trucs... ça vous permettra de profiter de ce qui est déjà fait. Et ça vous évitera de faire des choses qui ont déjà été traitées en mieux. Quoi. C'est-à-dire que vous pourrez apporter votre grain de sel à quelque chose qui existe déjà. Une forme de positivisme du jeu de rôle chez Exactement. Fabien. Exactement. On va tout faire le mieux parce qu'on teste les jeux précédents. Tout à fait. Etc. C'est pas beau, aller vers le pire du tout. Le progrès du jeu de rôle. Moi, j'ajouterais quelque chose, Fabien. C'est aussi de tester d'autres joueurs, d'autres types de personnes. Ouais, ça. D'autres façons de jouer. De faire varier les gens avec qui on joue. Bref, le rôliste doit pouvoir ouvrir son état d'esprit, aller vers des gens qu'il ne connaît pas. Oui, d'accord. Aller dans les conventions, parler aux gens. Absolument. Aller dans d'autres clubs. Et quand on va dans une convention, c'est jouer à des jeux qu'on ne connaît pas. Oui, parce que ça, j'ai vu des joueurs qui venaient. Mais parfois, c'est intéressant aussi de jouer à un jeu qu'on connaît, mais avec une autre personne. Bien sûr. Et de s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans un jeu qui reposent finalement sur des techniques qui ne sont pas forcément écrites. Et du coup, de constater que ces techniques, elles sont importantes à figurer dans sa petite base. Et que ça vaut la peine de les expliciter, absolument. Ouais, effectivement, absolument. Le MJ les utilise, mais si vous les écrivez dans vos règles, ça devient un truc à vous. D'autant que quand on a l'habitude de jouer avec des gens, en fait, il y a des choses qu'on ne dit plus. Oui. Par exemple, on a l'habitude, toi tu vas être le MJ, donc on sait que tu vas faire ça, donc on te laisse faire ta cinématique de début et tout. Mm-hmm. Mais si vous précisez pas ça dans votre base, du coup, il n'y a pas un MJ Absolument. Qui sera capable de masteriser Absolument. Comme vous. Demandez-vous Absolument. Quel genre de MJ vous êtes. T'avais une question d'ailleurs, Fly, tant que tu tiens le micro là, tout à l'heure, tu l'as déjà oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Alors, très bien. Je t'en prie. Quel jeu vous a. Quand on dit tester des jeux, moi j'ai un souvenir bien précis, du coup j'aimerais savoir quel est le vôtre. Quel est le jeu que vous avez testé qui vous a donné des idées ou pas d'idées du tout pour vos jeux à vous? Et tu me regardes après m'avoir dit qu'il ne fallait pas que je fasse d'autopromo. Alors que j'ai parlé de Sens, Innommable et Démiurge. Autopromo. Ça fait mal. Ben, je sais pas, on va peut-être poser des questions à quelqu'un. Voilà, donc il a déjà répondu. Alors, moi, c'est principalement Remember Tomorrow. D'accord. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur en tête. Mais... Gregor Hutton, H-U-T-O-N. Qui m'a bien permis de cerner certains aspects que je voulais voir dans le jeu que j'essaye de développer. D'accord. Ouais. Et puis ensuite, Sweet Agatha. Mais là, c'est plus pour une inspiration de. Je sais pas, c'est plus flou. Ouais. C'est une sorte d'inspiration peut-être. Ouais, parce qu'il y a une esthétique dans ce jeu. Alors, on peut le contester sur plein de points, dire qu'il ne dit pas bien ses règles, etc. Il y a plein de problèmes dans cet agaçant. On a fait un one shot dessus, mais ça n'en reste pas moins une expérience et on peut en tirer quelque chose. L'approche du livre elle-même semble intéressante. Enfin, on a vraiment un bel objet, un objet intéressant qui intrigue d'entrée de jeu le lecteur. Donc là, déjà, ouais, du point de vue esthétique, c'est vrai qu'il y a une vraie source d'inspiration à prendre. D'accord. Et toi, Flavie? Moi, je sais que. Alors, par contre, faut remettre ça dans l'époque. Hein, c'est parce que j'avais participé à un truc qui s'appelait Faites votre jeu de rôle en 24 heures ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, c'était des Buck Rebels. Oui, c'est exact. En 2006. Et du coup, moi, je venais de faire Dirty Secret. Il y avait des trucs qui m'intéressaient dans ce système-là que du coup, j'ai pompé royalement. Hein, Tu as créé Fairy Tales. Fairy Tales, fait en 24 heures. Donc, si un beau jour vous tombez sur ce merveilleux jeu, soyez gentils. Va visiter les caves des vieux sujets de Silent Noir. Surtout, soyez gentils si vous tombez dessus. Je l'ai fait véritablement en 3 heures parce que je n'avais pas 24 heures à mettre dedans. Alors, Natacha, toi, tu es une jeune joueuse. Enfin, tu commences le jeu de rôle seulement, c'est ça l'histoire? Tout à fait, oui. Et toi, est-ce que déjà tu as envie de créer un jeu de rôle? Alors, est-ce que ça te dit déjà, quoi? Moi, j'ai une expérience de lectrice et de littéraire, et du coup, le travail d'écriture m'intéresse beaucoup. D'accord. Mais j'ai pas encore une expérience suffisante pour penser à un système de jeu, en tout cas. Peut-être au moins l'univers, mais j'ai pas d'idée précise de toute façon. D'accord. Donc tu vois, c'est intéressant ça, Fabien. Ça veut dire que, de toute façon, pour avoir envie de créer un jeu... Faut déjà, semblerait-il, avoir déjà eu des expériences de plein de jeux différents. Moi, il me manque la première étape que tu citais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis débutante à la fois en jeu de rôle classique et en jeu de rôle indépendant ou pas classique en tout cas. Et du coup, il faut que je teste les deux pour me dire, déjà pour prendre confiance et me dire que j'ai la capacité de faire ça. Et aussi pour puiser des sources d'inspiration et pour savoir aussi ce qui a déjà été fait, pour ne pas refaire ce qui a déjà été fait, quoi. D'accord, ok. Donc, Adrien, tu voulais ajouter quelque chose? Non, tu reprends le micro. D'accord, très bien. Alors, il y a autre chose qui me semble important quand même de préciser quand on veut se lancer dans la création de jeux de rôle, c'est aussi de jouer, d'accord, de maîtriser aussi. C'est-à-dire d'être à la fois en position de meneur de jeu et en position de joueur de jeu. Je pense qu'on peut pas lancer un jeu si on n'a pas été master et joueur animateur dans le jeu. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que là, je ne parle pas uniquement du jeu de rôle traditionnel. Mm-hmm. C'est-à-dire que bon, généralement, la personne qui présente un jeu, on a tendance ici sur la cellule à l'appeler l'animateur. Est-ce que tout le monde s'entend sur ce terme? Oui. Et souvent, l'animateur, s'il y a un meneur de jeu, c'est souvent le meneur de jeu. Ok, ouais. Bon. Moi, je pense que c'est important de tourner les rôles. J'entends des créateurs de jeux de ci de là qui me disent qu'ils n'ont jamais joué à leur jeu et je me révolte en tant que alors ça voilà, donc je pense que c'est très important d'être en position de joueur, en position de lecteur, en position de transmetteur et d'animateur de partie. En fait, Fabien, ne pas jouer à d'autres jeux alors qu'on prétend écrire un jeu de rôle ou avoir joué à très peu de jeux, ça me fait le même effet que quelqu'un qui dirait moi je vais écrire un livre mais j'en ai jamais lu aucun autre. Ouais, ou plutôt, moi je suis un très grand cuisinier, mais par contre, j'aime pas la gastronomie. Voilà. Moi je cuisine, mais je goûte jamais ce que je prépare. Ouais. Oh la vache, le vache. Il y a autre chose aussi, c'est que moi ça me semble intéressant d'être au moins animateur et lecteur de règles. Pour voir ce qu'on aime obtenir. Lire les règles, c'est pas suffisant. Hein. Non, j'insiste. Non, animateur et lecteur. Ah, je dis bien les deux. Un receveur de. Oui, parce que si tu veux, quand tu écris, il faut savoir à quel usage le livre est fait. D'accord. Et moi, je parle en connaissance de cause parce que mon jeu de rôle est assez malaisé à utiliser, assez bordélique, exactement. Parce que lorsque je l'ai créé, je voulais à la fois m'adresser à un lecteur normal, entre guillemets, un lecteur qui ne serait pas forcément un maître de jeu, à la fois un meneur de jeu, etc. Et donc, du coup, et à la fois un philosophe. Alors, je vous laisse imaginer la galère. Donc, j'ai un trépied, quoi. Le problème, c'est que, du coup, on finit toujours par léser une des parties. Donc, intéressez-vous aussi, je pense, quand vous commencez, à vous dire, tiens, quel sera l'usage que je veux faire, quelle idée, à qui est-ce que je veux transmettre est-ce que c'est en vue de partie est-ce que c'est en vue de il y a un truc que... Fabien pardon. Pardon, je me polise un peu le les micro. Les noms en yin là. C'est ma spécialité. Flavien, Natachien, Adrien et Fabien. Romaricien. Je me rends compte aussi d'un truc, c'est que il y a un vrai travail littéraire sur à la fois l'univers, mais ça étonnera personne, mais sur les règles elles-mêmes. Absolument. Qu'est-ce qu'on dit dans les règles? Et par exemple, il y a deux tendances qui se dessinent entre un jeu comme Blistage et un jeu comme Zombie Cinema. Blistage, les règles sont pas tout à fait simples, mais pas extrêmement complexes. Mais en revanche, il y a plein de textes pour expliquer comment elles fonctionnent, comment bien utiliser les règles. Zombie Cinema, c'est sec comme un coup de trick. Il y a presque pas d'explication en dehors de des règles pures. Donc, il faut que vous puissiez comprendre comment les gens vont lire vos règles. Et tu sais, ça, c'est très délicat, Fabien. Parce qu'on en parlait l'autre jour avec Thomas, qui était en train d'écrire Mao Shoujo. Moi, je relisais et je lui disais... Par exemple, il parlait de cadrer une scène. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que tu es sûr qu'un lecteur lambda sait exactement ce que ça signifie cadrer une scène? Moi, j'ai fait un test. Et ça, j'ai fait lire Monosatos à mes parents. Et à des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, mais même pas de loin. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce que c'est que l'activité. À mon grand-père même, tiens. Absolument. Et quand j'ai compris qu'il voyait à peu près de quoi il s'agissait, bon, c'était pas tout à fait clair quand même. Faut pas. Il était capable de créer un personnage et de faire une partie. Je crois pas, non. Mais j'ai fait ce test. Mais il faisait pas de contresens. Quoi. Il n'était pas en train de me dire. Moi, le but, vous faites de faire des contresens, donc. Pardon. Ah oui. Franchement, moi je fais ça à chaque fois, systématiquement. Ma relectrice est une non-rôliste. Ah, ça c'est très bien. Et c'est très important. Parce que, effectivement, il y a toujours ce côté, la transmission. Est-ce qu'il n'y a pas des présupposés rôlistes? Ouais. Est-ce qu'on. Et par exemple, moi je vois par exemple un jeu dans lequel, bon, en gros il y a un meneur. Ah non, c'est pas suffisant. Et en plus, un meneur ça change énormément d'un jeu de rôle à l'autre. Hein. Franchement, moi il y a un jeu qu'on a testé la saison dernière où j'ai trouvé que le rôle du meneur était très bien expliqué et le rôle dans le jeu de rôle traditionnel, c'est le magicien d'Oz. Ah ouais, très très bien. C'est les livres, mais parce qu'il était fait pour les enfants. Et donc ils sont partis du principe et ce que tout le monde devrait faire au final, que du coup les enfants allaient avoir besoin d'explications pour savoir comment jouer. Mais normalement ça devrait être dans toutes les bases de jeux de rôle, quoi. Parce que ça, bon là on s'éloigne peut-être de la... Enfin bon, du question de. Mais... Non, les questions de vocabulaire sont très importantes. Mais par exemple. Pensez que vous faites un jeu pour vos enfants. Ouais, j'ai. Pardon. Alors, je sais pas si je vais rester dans le sujet ou pas, mais moi, il y a deux choses que j'ai remarquées en lisant ton livre Monostatos. C'est que d'abord, c'était très pédagogique, enfin très didactique sur l'entrée en matière et la présentation du jeu de rôle. Et je comprends que des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle puissent comprendre où ça mène, au moins. Et une autre chose, c'est que l'écriture aussi reflétait l'aspect poétique du monde. C'est-à-dire que c'était très... Ah, ça, j'allais y venir pour plus tard. Oui, mais ça, attends, du coup, alors ça, du coup, pour moi, c'est pas du tout par recommencer, c'est par terminer. Hein, je pense. C'est pour ça que j'espère que je reste dans le sujet. Mais non, mais je pense qu'un but de la cellule, c'est de faire aussi. C'est la façon dont tu l'as écrit, dont tu as travaillé. Donc j'ai l'impression que tu as travaillé ton écriture. C'est ça reflétait l'ambiance du monde. Et du coup, je sais pas si c'est par là qu'il faut commencer. Donc en fait, finalement, Natacha, tu conseillerais aussi aux gens, s'ils s'inscrivent dans un style littéraire ou quelque chose comme ça, quand ils créent un jeu de rôle, de lire énormément, d'essayer de lire un maximum de livres dans ce style, de façon à inspirer même leur écriture des règles dans ce style littéraire. Alors moi, en tant que littéraire, je conseillerais de lire tout court. De la même façon, tu conseilles de jouer, c'est pareil. À partir du moment où tu veux écrire, et ben voilà. Je suis d'accord avec toi, notamment parce que il y a pas mal de jeux de rôle, par exemple, qui s'intéressent au Medfan, le médiéval fantastique. Ouais. Et force est de constater qu'ils ne sont pas toujours bien écrits, alors que le médiéval fantastique est quand même un livre épique qui s'inspire quand même pas mal de très beaux livres, médiéval, ou même de fantastiques. Je veux dire, les livres de Robin Hobb, ils sont très bien écrits. Et de ce côté-là, je trouve que la chronique des Féales, alors on peut lui reprocher des choses, mais la chronique des Féales, elle a même... Le jeu de rôle, le dernier, là, celui qui est sorti, voilà. Il y a même des moments où il y a des petites nouvelles qui sont mises dedans, qui montrent en fait des scènes qui peuvent être jouées, des sortes de scènes qui pourraient être jouées après. Alors, je trouve ça très bien. Là, j'ai envie de dire aussi que ce serait intéressant, cette conversation, parce qu'elle me permet aussi d'arriver à autre chose. C'est que là, vous êtes vraiment Natacha et Flavie, vous êtes vraiment dans un critère d'excellence. Et il y a quelque chose qui bride les rôlistes, à mon avis. c'est ce qu'on appelle, c'est ce que parfois on appelle le fétichisme de l'objet. Ah. Et à mon avis, il faut d'abord commencer. Ça, c'est mon terme. Il faut commencer en fait, à mon avis, lorsqu'on va créer un jeu de rôle, par se débarrasser de certaines choses qui nous brident. Et moi, je pense. Mais ça, dont on parle, c'est tout à la fin. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous là, vous êtes vraiment déjà dans l'idée d'un objet léché. C'est comme ça que j'entendais. À mon avis, c'est pas du tout par là qu'il faut commencer, bien sûr. Ouais. C'est par là qu'il faut le terminer, par contre. Ouais, c'est bien. Ça nous permet d'aborder ce thème-là. Alors, le fétichisme. Enfin bon, on reviendra peut-être une autre fois sur le fétichisme de l'objet, mais. Mais non, c'est important parce que par où commencer déjà par se débarrasser de cette idée. Alors, c'est vrai que il y a des jeux qui sont très bons et qui sont sous la forme de petits papiers avec deux agrafes pour les tenir. Moi, j'ai vu des très bons jeux. Bah, Clover, c'est un petit truc, c'est tout petit. Innommable. Hein. Innommable avec deux agrafes, ça coûte rien. Lady Blackbird. Lady Blackbird, pardon. Vous pouvez l'imprimer chez vous. Une agrafe. Mais la langue, le travail de la langue n'implique pas forcément de faire un objet. Esthétique. Pour finir pour ma part là-dessus, en tant que lectrice et joueuse, justement, et enfin voilà, moi j'ai envie, j'assume complètement le fétichisme de l'objet, je suis désolée, et j'ai envie de tomber, j'ai envie de tomber sur des livres qui non seulement seront agréables à jouer, mais aussi seront agréables à lire découvrir. Alors je suis d'accord. Ce que j'appelle le fétichisme de l'objet, c'est moins si tu veux. Je suis d'accord sur le côté livre, bien présenté, belle syntaxe, belle écriture, etc. Pas de problème. En fait, ce qui m'ennuie, si tu veux, Natacha, mais vas-y, prends le micro, gueule-moi dessus. Non, parce j'aurais un autre débat à relancer, donc sinon, je répondrai pas à ça. En fait, le problème du fétichisme de l'objet dans le milieu du jeu de rôle, c'est que ça, c'est qu'on parle de belles illustrations, de livres en couleur, souvent avec un dos cartonné. Et ça, le PDF de Monostatos sans illustration, d'après mon souvenir, à part les cartes et les schémas, m'a parfaitement convenu. On parle pas de la même chose. Parce que le fétichisme de l'objet, c'est l'idée que il y a un critère d'exigence qui est particulièrement grand, et particulièrement en francophonie, les anglophones sont bien moins exigeants que nous sur les objets, et que parfois il y a des gens qui commencent en disant j'ai commencé mon jeu de rôle, j'ai tout de suite trouvé des illustrateurs. Christophe, notamment, m'a mis souvent en garde contre ce genre de d'action. Les illustrations, c'est un truc à faire à la fin, ou quand vous commencez à faire, vous avez envie de faire parler un peu de votre jeu, mais commencez pas par ça. Hein. C'est un truc à faire pendant, mais bon, bref, c'est pas. Oui, je vois ce que tu veux dire, Fabien. Mais tu vois, je pense que. Pardon, Fabien. Non, parce que moi, du coup, j'allais retourner sur les illustrateurs, tout ça. J'ai envie de dire, c'est quand il y a des choses qui ont déjà été commencées avant tout ça. Ouais. Une fois qu'on a joué à pas mal de choses, j'ai envie de dire, faut déjà passer le pas et jouer avec une table à son jeu pour déjà commencer à voir ce qui se passe. Moi, je crois que effectivement, l'étape de rédaction des règles. Une fois qu'on a cette culture, qu'on a commencé à faire son jeu, elle est super importante parce que notamment il faut que votre jeu soit rapide à lire et aisément compréhensible pour que d'autres gens puissent aient envie de le tester en fait. Au-delà de ça, même au tout début, j'ai envie de dire les premières fois que tu testes, des fois tout n'est pas défini dans ta tête. C'est peut-être aussi la première fois que tu vas tester le moment où tu vas pouvoir te frotter au fait d'expliquer ton jeu et tes règles à quelqu'un. C'est ensuite tu vas pouvoir voir ce qui tourne et ce qui tourne pas. Il y a certaines parties quand on les commence, ça va même pas être une demi-heure. Le but d'un livre de jeu de rôle, c'est de produire une belle partie. Exactement. Le but d'un créateur de jeu de rôle et d'un auteur de jeu de rôle, c'est de produire des belles parties, d'avoir des règles transmissibles et pour produire des belles parties et pas un bel objet, Fabien. Absolument. Ouais. Et je pense qu'il y a un exercice qui est intéressant de ce point de vue-là, qui est d'essayer de rédiger vos règles comme si c'était un programme informatique. Oula. Non mais, de manière extrêmement simple. Quel est je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Alors attention, je vois ça provoque. Mais ce que je veux dire par programme informatique, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait dans une partie de jeu de rôle. On s'assied autour d'une table avec du thé, des gâteaux pendant quelques heures. Enfin bon, ça c'est chacun. Il y en a qui joue par terre ou dehors. Moi, je pense quand tu dis informatique, c'est faut pas avoir ça 1-1-0-0-1-1. Oui, d'accord. Ça explique pour qu'on puisse l'expliquer à plein de gens. Je veux dire de façon axiomatique. De comme façon les éléments de Euclide, qui est un des premiers livres de l'humanité, je vous le rappelle. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, peut-être plus simplement, c'est simplement merci, que professeur Romaric. Si vous lisez les jeux de Vincent Baker, s'il y a des gens qui connaissent Apocalypse Solar parmi les auditeurs, par exemple, c'est des jeux dans lesquels on dit s'il arrive ça, faites ça. S'il arrive ça, faites ça. Et là, j'ai envie de vous dire, si un joueur dit ça, alors il se passe telle règle. Si ça vous permettra d'être clair d'abord avec vous-même, parce que vous saurez comment votre jeu fonctionne, ce qui est déjà une étape à passer. Ouais. Et ensuite, vous serez clair avec vos lecteurs. Et ça, c'est essentiel. Adrien. Ouais, c'est juste pour dire que j'étais tout à fait d'accord effectivement avec ce que tu disais d'un point de vue très informatique, c'est-à-dire sans fioritures, juste mettre les points qui sont censés apparaître en termes de règles. Et ensuite, il faudra les expliquer proprement, mais juste pour voir comment ça doit se dérouler, voir s'il y a un endroit, il y a une faille qui apparaît, parce que dans telle règle, j'ai pas prévu le cas d'égalité. Ou, en fait, pour pouvoir avoir des règles complètes qui tiennent, qui vont d'un bout à l'autre, qui prévoient tous les cas, et ce qui permet un test exhaustif, en fait. Et je rebondis sur ce que tu dis, en fait, parce que ça me fait penser à un truc. Il y a un article de Frédéric Saintès sur son blog, qui s'appelle limbicsystemjdr.com, je crois, un truc comme ça, qui s'appelle « Les niveaux d'un jeu de rôle », dans lequel il explique qu'un système peut être un exercice intéressant de décrire un système sous forme de cases avec des flèches qui vont de l'une à l'autre. Par exemple, si je tue un monstre, alors je gagne des points d'expérience. Ces points d'expérience me permettent de gagner des compétences. Ces compétences me permettent de tuer des monstres plus gros. Ça, de réaliser une sorte de schéma, une sorte système. De graphe, ouais. Voilà. Et ça, par exemple, ça c'est Donjons et Dragons et ça marche très bien. Ça prouve, la boucle. C'est une... Montrer l'aspect circulaire et level up de Donjons et Dragons est possible grâce à ce genre de schéma. Exactement. D'accord. Flavie, tu voulais prendre la parole. Ouais, juste pour retourner sur un truc un peu plus moins systémique et un peu plus concret, on va dire concret, pragmatique. On a dit vous devez jouer à plusieurs jeux, ensuite faut tester les jeux, mais moi il y a un truc que j'ai commencé à faire direct quand j'ai pensé au jeu que je suis en train de faire en ce moment, c'est quel genre de scène je voulais qu'il y ait dans mon jeu. Yes. C'est excellent ça. Et c'est l'un des premiers trucs que je me suis posé comme question. Est-ce que je voulais qu'il y ait du combat? Est-ce que je voulais qu'il y ait des moments où les gens nouaient des relations? Est-ce que je voulais qu'il y ait des moments où les gens fassent du combat social? Est-ce que je voulais que... À partir de là, je me suis même demandé si je voulais que certaines scènes soient mêlées. Est-ce que je voulais que le social puisse avoir une part qui puisse être importante ou non dans le combat physique, ce genre de choses. D'accord. Adrien, vous avez tous l'air d'avoir envie de prendre la parole. Pour moi, sur ce point-là, je rajouterais juste un petit truc, parce que pour moi, ça, c'est une partie d'un ensemble qui est quels sont les objectifs du jeu. Ça veut dire effectivement le genre de scène, mais ça va être aussi est-ce que j'ai un message à faire passer aux joueurs. Et ça va conditionner plein de choses, vraiment plein de choses. Ça va être quel genre d'ambiance je veux avoir, parce qu'on peut avoir des scènes de combat mais avec une ambiance complètement loufoque ou hyper sérieuse. On est d'accord que lorsque tu dis quel genre de choses j'ai envie de transmettre aux joueurs, tu parles d'un auteur de jeu vers des joueurs, bien sûr. Non pas forcément d'un meneur vers ses joueurs. C'est en tant qu'auteur. Par exemple, patient 13, on souhaite faire vivre dans un hôpital psychiatrique. Mais l'auteur ne précise pas si on veut faire peur, si on veut que ce soit... Il y a certains points qui ne sont pas abordés. Et finalement, j'ai envie de dire que les gens qui jouent à Patient 13 vont chercher dans les références cinématographiques, jeux vidéo, voir justement le but du jeu. Effectivement. Mais par exemple, si on prend un jeu comme INSMV, là, l'auteur le précise dès le début, ça va être un jeu humoristique, l'objectif c'est de délirer, il n'y a pas de... Voilà. Et le fait de cadrer clairement ça fait qu'on peut mieux cibler notre jeu. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et j'avais mon petit concept qui était l'idée de vision. La vision, c'est ce qu'on a envie pour les objectifs qu'on a pour son jeu. Mais c'est intéressant. Alors, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir testé des jeux auparavant, pour se rendre compte que dans un jeu, on peut mettre plein de choses différentes. Je couperai, tu sais, puis je mettrai. Notre... Par exemple, on peut avoir envie de mettre des enjeux esthétiques, comme dans Prosopopée, des enjeux de combat, des enjeux stratégiques, des enjeux de relations, des enjeux. Et c'est aussi important de se rendre compte que on peut avoir des objectifs pour la fiction. Donc j'ai envie que ça se passe dans un univers avec des fairies, dans un asile, ce que vous voulez. Ou bien des objectifs pour les joueurs, les participants, parce que même le meneur, il peut y avoir des objectifs pour le meneur, ou qu'est-ce qu'on a envie que le meneur, s'il y en a un, fasse. Excellent. Et donc, moi, je me suis rendu compte que commencer par ses objectifs et ensuite continuer à réfléchir tout au long de la création de jeu. Alors, il y a des moments où on dit, en fait, cet objectif, je le garderai pour un autre jeu. En fait, cet objectif, il me retient, il n'est pas compatible avec celui-ci, je préfère celui-ci. Donc, c'est vachement important d'avoir ce processus et de commencer ce processus-là dès le début de votre jeu. D'accord. Favie. Alors, moi, je sais que ce que j'ai fait, j'ai marqué du coup les scènes que je voulais dans un carnet. Et surtout, je me suis posé une autre question. Je me suis demandé si je voulais transmettre quelque chose aux gens qui allaient jouer à ce jeu. Donc les participants, là. Les participants et même le meneur, s'il y en a un dans le cas présent, il y en avait un. Par exemple, un truc tout bête, est-ce que je voulais que mon jeu ait une part anticapitaliste qui soit forte, ou ce genre de choses. Même et des idées politiques. Des idées politiques. Anticommunistes, hein, parce qu'il y en a marre de l'anticapitalisme. Hein. Non, je me suis posé ces questions-là et ensuite je me suis demandé en quoi toutes ces scènes et les questions que je voulais transmettre pouvaient amener certaines choses dans le système. D'accord. Et du coup, en fait, même si j'avais une idée d'univers au départ, le fait aussi de me poser ces questions-là m'ont fait, en plus, sur le tard après, développer mon univers vers certaines choses qui avaient un rapport avec le système et la fiche que j'avais commencé à mettre en place. Et je trouve que du coup, ça permet de donner quelque chose d'un peu plus cohérent aussi, quand le système peut refléter quelque chose qu'on veut dire. Un jeu n'est pas un univers plus un système. Ouais. Hein, le système génère l'univers. Moi, je trouve ça élégant. Je trouve ça élégant quand les deux ont des rapports. Là, tu dis ça comme si c'était très logique. En fait, non, c'est pas ça, mais c'est que si tu veux, il y a saison 1 de la cellule, saison 1 de la cellule, saison 2 de la cellule, saison 3 de la cellule. Oui, alors attention, sauf que là, c'est une émission sur ça. Ah, bravo, Adrien. Il va me dire encore sois précis, Romaric. Oui, là, donc effectivement, mais c'est vrai que là, c'est ce qu'on est en train d'amener au fur et à mesure. La cohérence du jeu, en fait. Quand on se fixe des objectifs à un jeu, il va falloir que ces règles nous permettent de se rapprocher de cet objectif. Absolument. Il va falloir que les éléments narratifs, il va falloir que tout ce qui va être décrit, tout le jeu converge vers ces éléments-là. Mmh. C'est vrai que ça c'est extrêmement important, la notion de cohérence dans le jeu. Il y a parfois des gens qui commencent à, et moi ça m'est arrivé, donc je peux vous le dire, qui commencent par leur univers et qui ensuite font les règles. Moi ça a été terrible, ça a été une contrainte effroyable d'avoir l'univers de Monostatos, à devoir intégrer l'univers de Monostatos. C'est pour ça que je te disais aussi que les illustrations doivent se créer en même temps, en fait. Que tout, j'ai envie de dire que tout le processus de création doit progresser en même temps, un petit peu comme une vis d'Archimède. Les illustrations, l'objet final, c'est un autre débat. Mais pour moi, l'illustration, c'est du marketing, ça doit venir après qu'il y ait un produit. Ça dépend la vision que tu as de ton jeu. Fabien, je pense qu'il y a différentes écoles. Je voudrais quand même aller jusqu'au bout, c'est vachement important que l'univers. Les règles, et quand je dis les règles, c'est aussi la manière dont les scènes sont créées, la manière dont les rôles se distribuent, et le texte, que tout ça soit créé sous une même chose qui est la vision d'ensemble, la cohérence de votre jeu. D'accord. Parce que sinon, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Natacha. Alors, moi j'ai une remarque, c'est je sais pas si une remarque, une question ou un contre-exemple, ou je sais pas trop. J'ai fait là au mois de juillet une colonie de vacances à thème jeu et jeu de rôle. Ouais. Et donc la première partie de la semaine, c'était consacrée donc à faire découvrir aux enfants l'univers des jeux de société et du jeu de rôle. Donc voilà, et sortir un peu de ce qu'ils connaissent le plus souvent, donc Donjons et Dragons par exemple. Ouais. Et ensuite, la deuxième partie, c'était la partie projet. Et entre autres, parmi les projets, il y avait créer son propre jeu de rôle. Écrire Sens Néant. Donc, il y avait plusieurs contraintes. D'abord, c'était des jeunes, hein, 12-15 ans. Ensuite, on avait très peu de temps, à peine 3 jours. Et bon, c'était des rôlistes débutants du fait de l'âge. Et les animateurs qui ont géré ce projet-là, ouais, qui étaient bien plus spécialistes en jeu de rôle que moi, ont commencé par leur demander « il faut que vous créiez un univers cohérent ». Du coup, est-ce que... On peut pas... Moi, je pense qu'il y a... Je vais peut-être pouvoir répondre parce du coup, il y a une très grosse différence. Moi, de ce dont tu parles, je vois un parallèle parfait avec la littérature à l'école et la littérature dans la vraie vie. Moi, la littérature à l'école, quand je fais faire des projets d'écriture aux enfants, il est évident que je ne leur demande pas d'être Molière, quoi. Je vais leur donner un carcan, on simplifie tout. Là, il est évident qu'on n'allait pas leur demander de faire quelque chose qui allait être professionnel. Ouais, mais en fait, on aurait très bien pu commencer. Alors, je suis d'accord avec toi, Flavie. Seulement, il me semble que créer un univers cohérent, c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi bien à la littérature, au cinéma, à la création de scénarios en général. Là, moi, si j'avais été animateur de cette colo, en l'occurrence, Natacha, j'aurais plutôt demandé essayer de créer un système qui permette de mettre d'accord les gens autour de la table. Je dirais pas ça non plus. Moi, je reprendrais ce que disait Flavie tout à l'heure. De quoi vous avez envie dans votre jeu? Est-ce que vous avez envie que ce soit un jeu qui parle d'amour? Est-ce que vous avez envie que ce soit un jeu qui parle de compétition amicale, style shonen? Et puis, mettons-nous à la place. Tu dis que c'est des enfants de 12 à 15 ans. entre 12 et 15 ans. Certes, les concepts sont en train de se former de façon plus systématique, mais le système de pensée en lui-même n'est pas global. Ouais, donc, on peut pas demander à des enfants, on peut pas demander à des enfants de 12 à 15 ans de créer ex nihilo un système comme ça. Ils vont avoir besoin d'aide, ils vont avoir besoin de faire des choses, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui pourra les guider. On peut leur donner des questions, qu'est-ce que vous voulez jouer, est-ce que vous voulez avoir des relations avec les gens, etc. Mais en partir de là, il va falloir les aider. Natacha. Alors, je pense qu'il y avait un autre truc derrière ça, et ça a fait débat hein, au cours des réunions de préparation entre animateurs. Je pense qu'il y avait une autre chose derrière ça aussi, c'était de la volonté de les sortir de l'univers Medfan. Ouais, de créer un autre univers que celui qu'ils avaient l'habitude de oui, donc à partir de là, le système n'était pas le truc important. C'était parce plutôt que ça a fait débat aussi. On s'est demandé à un moment donné si on n'allait pas leur demander de partir d'un univers déjà existant pour créer un autre système. D'accord. Et ouais, bon, voilà. Mais bien sûr. Ouais. Voilà. Ok, je vois la difficulté. Ouais, ça m'interroge. Enfin, c'est vrai que c'est un débat. Fabien a enlevé ses lunettes. C'est un petit peu comme Superman, je pense qu'il va mettre sa cape et son slip. Non, j'ai les yeux qui piquent, je suis fatigué. Il va pleurer. Non, c'est vrai que ça fait débat parce qu'un système, par exemple, si c'est un système de jeu de rôle classique, il risque d'y avoir des règles de combat très développées. Et le problème, c'est est-ce que si on joue dans un univers pacifiste, style My Little Pony, Friends Magic... Tu veux dire, quand on demande aux enfants de faire un jeu... Attends, tu plaisantes ou quoi ? Les jeux de rôle classiques, ils n'ont pas tous des systèmes de combat très développés. C'est un peu c'est un peu un cliché de dire ça. Cthulhu, qui est quand même le deuxième jeu de rôle classique, Le plus vendu. D'accord. Bon, le système de combat, il est pourri, il est tout petit. Ce qui compte, c'est le système d'investigation. Alors, je suis d'accord avec toi. Le système d'investigation est encore plus petit. Ouais, d'accord. Bon. Mais tu peux grimper. Ouais, vois ce que tu veux dire, Fabien. C'est vrai qu'il y a énormément de place qui est faite à la violence dans. Non, mais par exemple, moi, s'il avait fallu qu'on axe, par exemple, sur l'univers, moi, j'aurais proposé. Faut que t'es dans ces cas-là deux trois systèmes à proposer que tu pourras améliorer un peu avec eux. C'est parce que le principe, ce sera de les faire bosser l'univers. Alors, par contre, si le but c'est de leur faire créer un système, tu leur prépares deux trois univers qui pourront améliorer et là du coup ils créeront un système. Alors, peux pas faire les deux. De cette expérience, qu'est-ce qu'on en tire pour le par où commencer ? Est-ce que toi tu as tranché par rapport à ce débat que vous avez eu avec les animateurs ? Non, moi je suis pas du tout intervenue dans ce débat-là parce que je me sentais pas en mesure d'intervenir. Je me sentais pas les capacités d'intervenir. Et je pense que ça, en fait, je pense personnellement que ça dépend de ce que tu veux leur apprendre, parce que on avait quand même un objectif pédagogique aussi derrière. Ça dépend de ce que tu veux leur apprendre. Est-ce que tu veux leur faire faire de l'écriture ? Dans ce cas-là, c'est sur l'univers, ça me paraît évident. Est-ce que tu veux leur donner des clés pour qu'ils puissent les développer plus tard et revenir quand ils ont pris de la maturité ? C'est une question que vous pouvez vous poser vous aussi en tant qu'auditeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez ? Parce qu'aussi, on crée quelque chose pour s'améliorer soi-même et pour travailler des choses aussi. Et donc, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, travailler en créant un jeu de rôle ? Voilà, en tout cas, avec les enfants, je pense que c'était ce qu'il fallait leur... Il fallait définir d'abord l'objectif pédagogique de l'atelier et ensuite voir vers quoi on allait aller à partir de ça. Quoi. D'accord. Alors moi, je vais définir l'objectif pédagogique de ce podcast. Attention, nous sommes en pleine digression. Ouais, par contre, je pense que c'est... Oui, mais c'est un truc... C'est pour moi, on a ici une dérive, entre guillemets. On se pose toujours la question, bon, il faut que je commence quelque chose, voyons comment font les enfants. Tu vois, ça arrive souvent, même en linguistique, comment se forme le langage, voyons ce qu'en disent les enfants. C'est vrai. Non, ce n'est pas une bonne façon de faire. Il y a une différence quand on est un adulte. Il y a une différence. Tu es en train de contredire Saint-Augustin, là, putain. Ouais, je sais. Il y a une différence quand on est un enfant, il y a une différence quand on est un adulte. Quand on fait les choses, quand on est adulte, on a plus de clés que les enfants, donc autant les utiliser, justement. Alors, je suis désolée pour la digression et pas de soucis. Que quand on a traité le sujet par où commencer aussi par rapport au jeu de rôle, c'est-à-dire par où commencer par quel jeu commencer, on a aussi fait une digression sur les enfants. Ce qui est assez marrant de voir que tout commence par un enfant. Je pense que c'est un excellent sujet de podcast. C'était beau ce que tu viens de dire. Le jeu de rôle avec les enfants. Hein. Adrien, tu avais quelque chose à rajouter en tant que bon animateur de colo. Je sais plus du tout, non, moi, d'accord, pas du tout. Non, là. Moi, je connais bien les alcoolos, mais la colo, moi, pas bien. Sans transition. Moi, je voudrais parler d'un autre truc qui, à mon avis, est important pour commencer. D'accord. Et là, je vais faire à nouveau de L'autopromo. Ah bah super. Autopromo. Hein. C'est de l'autopromo. Je pense que c'est super important. Enfin, en tout cas, voilà, je vais dire les choses comme ça. Moi, ça m'a aidé de manière. Ça m'a aidé de manière majeure de venir en parler sur Silent Drift. Évidemment. Et de faire des rapports de parties, ça je ne le répéterai jamais. Le rapport de parties, c'est fabuleux pour décrire. Parce que, un, vous mettez les choses à plat, vous écrivez les choses et vous les écrivez pour des gens qui ne vous connaissent pas. Évidemment. Qui sont bienveillants, certes, mais qui ne vous connaissent pas. Donc ça, c'est un exercice intellectuel qui est extraordinaire. En plus, vous aurez des gens avec lesquels vous n'avez jamais joué, que vous n'avez jamais rencontré, qui vont vous apporter leurs propres expériences, qui vont ne pas comprendre. Et donc, ça va vous obliger à faire un effort pour mieux. Enfin, qui vont vous donner des pistes expliquer. Aussi. Mais oui, parce que sur les questions de culture dont on parlait tout à l'heure, écrivez. Et moi, je donne souvent je dis souvent, tiens, est-ce que tu as déjà joué à ce jeu? Parce qu'à mon avis, ça peut beaucoup t'aider pour ta réflexion sur ton jeu. Vraiment, ça, c'est essentiel parce que quand on décrit une partie par écrit, il ne faut pas oublier que le jeu de rôle, forcément, on le transmet par écrit. Et du coup, le fait de faire des rapports de partie, ça permet de bien distinguer les relations entre les joueurs, des relations entre les personnages, ce genre de choses. Et ça, exactement. C'est très important pour ensuite la rédaction de vos donc, règles. La rubrique idée, ensuite la rubrique bande essai de Silent Drift, c'est de l'or en barre. Mmh. Et puis, de toute façon, c'est aussi une première étape pour écrire le jeu. Parce qu'au final, ces règles que vous allez mettre dans votre playtest, vous allez devoir les expliquer. Et cette explication, c'est déjà un premier moyen pour commencer à ébaucher. Je tiens aussi à dire qu'il y a d'autres forums qui proposent ces rapports de parties. Effectivement. Hein, parce que l'autopromo, là, d'accord. Ça suffit maintenant. Moi, je les connais pas. J'avoue que l'avantage sur Silent Drift, c'est qu'il y a des règles assez strictes sur les rapports des joueurs les uns avec les autres, et que j'ai toujours trouvé que la discussion était de qualité. Les rapports de parties sur les autres forums, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien s'il faut raconter que la fiction. Au sens presque faire un genre de fanfiction, si tu veux, issu du jeu, ou alors raconter aussi les mécanismes qui se sont déroulés entre les joueurs autour de la table. Dans Silent Drift, c'est clair, c'est les deux. Silent Drift, c'est les deux, voilà. Alors que sur les autres forums, c'est pas clair. Je vais quand même faire un petit peu le contrepoids sur Silent Drift, c'est que si le jeu que vous souhaitez développer, c'est un jeu, on va dire, traditionnel, avec un MJ, avec un univers très présent, très fort. C'est parfaitement vrai. Alors, les gens vont pas vous cracher dessus, mais c'est juste que c'est moins. Les gens vont moins apprécier. Tu expliques ce vrai problème ? C'est que les gens qui aiment le jeu de rôle traditionnel de Silent Drift, ils animent le podcast de la cellule. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Aussi, ouais. Et c'est ça le souci en fait. On peut en parler à nos auditeurs. Là, c'est très clair. C'est Flavie, c'est Thomas, c'est moi, les gens de Silent Drift, qui aimons le jeu de rôle traditionnel. D'ailleurs, moi, ça me dérange. Enfin, faut pas qu'il y en ait 10 000, mais moi, je sais que j'ai accepté de donner des coups de main, de faire des relectures et ce genre de choses. Mais par contre, je peux pas en faire 10 000, quoi. Voilà. On a des demandes, oui, mais le problème c'est qu'on a plus le temps aujourd'hui de participer sur Silent Drift. C'est catastrophique. J'en ai fait une ou deux cette année, mais entre nos voilà jeux quoi. À créer, surtout sur ce genre de jeu, ça prend beaucoup plus de temps parce que l'univers va être plus fourni, il va y avoir dont je suis parfaitement conscient et je suis le premier à être emmerdé quand quelqu'un arrive et que je vois qu'il veut créer un jeu de rôle traditionnel et le problème c'est que je ne peux rien dire là-dessus parce que juste une chose. Si certains me contactent, moi je sais que j'ai pas le temps de lire des pavés. Par contre, généralement, ça se passe par téléphone. Voilà. Mais ça par le Facebook. Et alors, ça c'est important. Merci Fly, parce que tu dis un truc auquel je voulais penser aussi, c'est que je crois que c'est important. Très bien. En tout cas, moi, alors j'ai toujours le formulé comme ça. Moi, ça m'a énormément aidé de rencontrer en vrai les gens de Silent Drift. C'est-à-dire d'aller sur des conventions et de discuter ensemble. De tester ensemble. Parce que il y a des choses qu'on peut se dire sur forum, mais il y a des choses qui passent mieux. Enfin, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Le forum, c'est une réflexion sur le long terme. La rencontre en vrai, ça permet de donner un boost au jeu à un moment. Mais ça vous pouvez l'avoir avec vos amis aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être très gentil. Parce que là, il y a beaucoup d'autopromo, mais ça, vous pouvez le faire aussi avec votre cercle d'amis. En fait, c'est ce que fait Silent Drift, c'est de rassembler des amis, qui ne se connaissent pas forcément d'entrée de jeu. De façon plus générale, ces rapports de partie, vous pouvez les faire par écrit et en discuter avec les joueurs qui ont joué ce jeu-là. Parce qu'en posant tout par écrit, même si les joueurs ont été sur la partie, ils vont pouvoir en discuter. Même si ça a un lien, le fait de poster sur Silent Drift, j'aimerais quand même qu'on revienne à notre sujet initial. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien reprendre. C'est pas contradictoire, je sais Fabien, mais si tu veux, comment dire, si tu réponds par où commencer en disant bah va sur Silent Drift. Ah, j'ai pas dit pas ça. J'ai non. dit le, enfin c'est pas une première, c'est pas une toute première étape. Je comprends, je comprends. Ah moi j'aimerais bien reprendre en résumant un peu ce qu'on avait dit. Donc faut que vous jouiez à pas mal de jeux, faut tester, faut essayer de voir ce que vous voulez faire en termes de scène, en termes de cohérence, en termes de ce que vous voulez comme message. De vision de jeu. Et moi j'aimerais bien aller plus loin en disant à un moment vous allez être déprimé parce que vous allez voir que votre système marche pas du tout. Ouais. Vous allez voir que juste ce que vous aviez envisagé comme être une idée de génie, c'est de la merde. Faut pas vous leurrer, vous allez faire « Oh mon Dieu !» N'ayez pas peur de tout changer, il y aura forcément des choses qui vous manqueront sur votre ancien système, que vous pourrez réutiliser après s'il le faut. N'ayez pas peur de faire plein de moutures du système différentes, c'est plein pas grave. Plein de tests, plein de montures, Fabien. Et j'arrive peut-être un peu tôt avec cette idée. Vas-y, je t'en prie. Aussi... Il est 45 minutes déjà. Hein. D'accord. Mmh. J'aimerais aussi parler des gens avec lesquels vous testez. C'est-à-dire que c'est important que les gens qui vous font des retours sachent faire des retours intelligemment. Mais peut-être que, parce que disait Flavie, était vachement profond, il y avait peut-être encore des choses à... Oh oui, je dis des choses tellement importantes et tellement... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'espoir du créateur. Non, mais c'est vrai qu'il y a un échec. Y a aussi, non, parce que ça peut être vraiment déprimant, c'est pas parce que vous... Enfin, honnêtement, hein, c'est déprimant la première fois, on se dit, putain, mon système de jeu, il marche pas, quoi. Et n'ayez pas peur, ça nous est tous arrivé. Il y a une dimension psychologique qui est très forte, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je crois quand même que le thème que tu annonces là, Fabien, est en lien avec celui-ci. C'est-à-dire que si aussi tu testes avec des amis qui t'encouragent, etc. Mais enfin, moi, j'ai testé avec des amis qui m'ont démoli. Hein. Mmh. Frédéric Saint-Esse, si tu m'entends. Il t'entend, oui, c'est sûr. Oui, mais c'est bien. Il les écoute tous. Ça, je le sais. Donc on a discuté lui et moi, mais c'est vrai qu'il y a. Quand on fait des retours, il y a à la fois une bienveillance, mais il y a aussi une liberté de l'auteur à comprendre. C'est-à-dire que toutes ces erreurs, je les dis parce que je les ai faites. Moi, j'ai par exemple dit à Fred, ah non, mais il faut que tu changes ton système de jeu comme ça, parce que moi je vois à l'extérieur ce que tu vois pas. Il faut laisser l'auteur, il faut dire évidemment les critiques à l'auteur, mais il faut lui proposer des solutions, mais il faut bien prendre conscience que si c'est une critique intelligente, il la prendra. Si c'est une critique qui ne l'intéresse pas, il la prendra pas. Mais il faut lui laisser cette liberté, parce que parfois ça peut devenir oppressant. C'est ça. Au moins. Faut pas faire le jeu à la place de la personne. Comme on dit. Alors moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est pas intéressant de faire tester par des gens qui ont des expériences différentes? Enfin, par plein de sortes de joueurs. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire un spécialiste d'AD&D, un spécialiste du jeu de rôle indé. Voilà, c'est ça. Un spécialiste de Monostatos, par exemple. C'est ça. Voir un. Et Frédéric Saint-Esse. Voir un joueur débutant en plus. Alors, voilà. Si ça peut être, à mon avis, un bon crash test, dans la mesure où, du coup, si ton système, logiquement, est bien fait et si l'animateur le présente bien en le respectant, logiquement, tous ces joueurs doivent pouvoir jouer ensemble sans que leur vision initiale du jeu de rôle ne vienne parasiter la partie. Ouais. Donc, soulignes un truc important. Si le jeu est bien fait, ça, c'est pour du jeu classique et encore. Si le jeu est bien fait, le joueur d'AD&D par exemple, il acceptera pas, ça lui plaira forcément de jouer à certains jeux. Il y a un contrat social. Il y a des joueurs qui sont là pour jouer à quelque chose de ludique, enfin à quelque chose pour faire évoluer un personnage, d'autres qui veulent juste faire des histoires d'amour. C'est déjà un conseil, si j'ose dire, pour un système de jeu qui est déjà bien rodé. Oui, parce que... mais tu peux aussi commencer ta... Ça peut être aussi en faisant plusieurs tests, Natacha. Avec une table de rôlistes indé, avec une table de rôlistes classique, avec une table de débutants, avec... Je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Je demande, hein, vraiment c'est juste... Je pense que c'est important, alors... Ça c'est jamais le genre de test que j'ai fait. Disons que ça peut être très important, à nouveau comme exercice pour éclaircir votre jeu, de décrire par écrit, dire au joueur qu'est-ce qu'on va jouer. Voilà, moi j'aimerais jouer un jeu dans lequel on va jouer des héros rebelles qui trashent, super bourrins. Ne jouez pas des mecs qui veulent s'intégrer à la société. Ou ne venez pas me dire que vous avez envie de jouer des... Donc ça c'est l'aspect fictionnel. Et ensuite il y a l'aspect des règles. N'hésitez pas à dire c'est des règles dans lesquelles vous devez inventer plein de trucs, ou bien c'est des règles dans lesquelles vous vous en tenez à votre... aux actions de votre personnage de manière plus traditionnelle. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que. Contrat social, ça? Tester. Non, pas alors, vraiment. C'est un genre de contrat de lecture, de pacte de lecture. C'est rigolo ce que tu dis parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose. C'est une des dernières conventions où je suis allée. Ça me fait penser. C'est très important pour tester. C'est les tests de disparaître. C'est important de pas commencer par les. Ce dont tu parles, ça me fait penser au moment où il y a des gens qui viennent présenter le jeu qu'ils vont masteriser. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de sortes de d'écoles entre guillemets, on va appeler ça comme ça, de gens qui présentent le jeu, genre moi je suis machin et je vais vous faire jouer des bourrins. Mais je pense que c'est j'en ai vu certains qui ont dit bon alors moi je vais faire ce jeu-là. C'est un système soit autorité partagée où on va devoir créer des choses. Je pense qu'il faut se poser. Ou alors certains disaient bon moi je suis un MJ où vous devrez vous poser la question est-ce que vont faire votre personnage quand vous ratez votre jet de dés, c'est moi qui dis. Quand vous réussissez, c'est vous qui dites ce que vous faites. Je pense que c'est important de se demander comment vous allez le présenter à des joueurs. Et je pense que c'est important parce que ça vous aidera aussi à vous clarifier. Alors attention, parce que comme vient de dire Fabien, c'est important de ne pas commencer ces crash tests par des conventions. Parce que les conventions, c'est déjà des joueurs... C'est très dur. C'est très dur. Les gens ne sont pas toujours réceptifs, y compris quand votre jeu est en train de développement. Vous pouvez tomber sur des imbéciles, ça arrive. Vous pouvez tomber sur... disons que... La convention, c'est un peu comme jouer avec Frédéric Sintès. Si votre jeu passe là, c'est qu'il est vraiment solide. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai envie de le dire, la convention, c'est un petit peu le test finalement de Natacha. C'est-à-dire le test où les joueurs sont très disparates. Et justement, il faut que le jeu soit solide pour pouvoir passer ce test. Je suis méchant avec lui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a, selon vous, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a, selon vous, quand on commence, des écueils à éviter? Du genre, de celui du fétiche Oui. Fabien. Ah oui, oui, des écueils, c'est pas de pas commencer par la vision. Ce que je veux dire par là, c'est. Alors, il vient de dire dans les conseils positifs de commencer par la vision, et là il dit. Ah bah oui, mais oui, je suis cohérent. Non, mais ce que je veux dire. Attends, laisse-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends parfois des gens qui me disent moi j'ai envie de commencer un jeu de rôle qui n'a pas de MJ. Ou moi j'ai envie de créer un jeu de rôle dans lequel c'est un univers avec des dinosaures en pyjama. Ou moi j'ai envie de commencer un jeu de rôle. Donc. Prince of Tennis. On commence avec des on peut enfin moi ça m'est aussi arrivé hein, j'ai commencé mon Satan en disant que ce soit un jeu de rôle sans dés. En réalité tout ça c'est des considérations annexes. C'est des considérations qu'il faut se poser après la problématique. C'est un peu comme si vous disiez alors je sais pas à quel sport j'ai envie de jouer mais j'ai envie d'avoir des chaussures en plomb. c'est se mettre des contraintes absurdes alors peut-être qu'il y a des sports dans lesquels les chaussures en plomb sont super importantes. Mais il faut d'abord choisir son sport. Adrien, je voudrais juste le reformuler différemment parce qu'en fait je suis complètement d'accord avec toi. C'est que en fait quand on va partir sur une idée de création, il faut pas se fixer de carcan. Ça veut dire qu'on va avoir un objectif, mais il faut à tout moment pouvoir se dire bon bah en fait ce point là genre cette règle-là que j'avais envisagée, ben finalement, elle me convient plus, je la jette. Donc en gros, il faut voyager avec son sac à dos et être prêt à prendre quelque chose de nouveau, enlever quelque chose et être libre et adaptable. Est-ce que quelque part, se dire je vais jouer dans l'univers des Mayas, par exemple, c'est pas déjà se mettre des chaussures de plomb, justement? Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça peut rester un objectif du jeu. Ça dépend ce qu'on veut faire. Et un truc tout bête, moi par exemple, je veux faire un Med Fan. Ouais, mais non, c'est pas ça que tu voulais faire à la base, Fly. Non, c'est je veux faire un jeu à la Robin Hobb explore. Tu m'as d'abord parlé de Robin Hobb, d'un jeu dans ce style. Voilà. C'est pas la même chose. Non, c'est pas Robin Hobb, ça. Certainement pas. Mais n'empêche, le générique est cool. On le chante. Je voulais que les gens puissent avoir une expérience comme les héros que j'ai pu lire dans la fantasy. C'est-à-dire une expérience avec un personnage qui en bave et qui pourtant, même s'il a rien pour devenir un héros, va devenir un héros. Et je voulais avoir une expérience de jeu qui me permette, et je pense que c'est ça par lequel il faut commencer, se mettre à la place du joueur et se dire quelle expérience de jeu je veux amener. Moi, ce dont je voulais parler, c'est les gens qui se disent cet univers n'a jamais été fait, donc je vais commencer par le faire. Voilà, c'est effectivement une erreur. Mais par exemple, ça veut pas dire qu'on peut pas commencer par des trucs fictionnels. Ça veut pas dire qu'on peut pas dire j'ai envie de jouer des scènes dans lesquelles mon personnage va se transformer. On va raconter des transformations. Mais il faut que l'univers servent la cohérence plutôt que le contraire. Mais je crois pas qu'on puisse commencer par un univers principalement parce que l'univers en fait n'est pas directement en contact avec l'expérience de jeu. Adrien. Ouais, alors pour ça, je pense qu'il faut garder des objectifs. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je veux que ce soit un jeu de SF, un jeu de machin, se donner des idées très claires, très précises, très contraignantes, mais donc suivre ce sentier, c'est développer, et puis au moment, on va se rendre compte qu'un de ces points-là va être gênant, et du coup, il faut être libre de les modifier, de sortir de ses objectifs initiaux. Il faut garder une sorte de ligne de conduite générale, mais on peut en dévier parce que, ben, sur le coup, ça nous paraît moins adapté. Il faut pas se contraindre d'un bout à l'autre, sinon, ouais, c'est. Alors moi, j'ai un autre écueil à éviter vraiment, c'est l'étude de marché. Donc, ça, c'est le mauvais conseil vraiment qu'on peut donner. J'ai déjà lu quelque part, je sais plus dans quoi c'était, mais juste c'est pas. Voilà, je sais pas qui était le. Mais juste, qui a écrit c'est pas cet article. Une bonne idée. Son idée, c'était d'essayer de faire en sorte qu'il y ait du jeu de rôle qui se vende, ce qui est une idée louable malgré tout. On a envie que le jeu de rôle fonctionne. On a tous autour de cette table envie que le jeu de rôle fonctionne, évidemment. On n'a pas envie que le jeu de rôle se plante dans le mur, c'est clair. Mais je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que du coup, on se contraint à essayer de chercher un univers qui a jamais été fait, un système inédit, etc. Et en fait, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on a envie, nous, de faire. Et moi, je crois que c'est ça qui est important, c'est d'avoir envie de dégueuler avec ses tripes un JDR. Faites un pas, truc qui pas vous de faire plaît. Un truc novateur ou de faire un truc. Parce que, faites un truc qui vous plaît. Je vous donne un exemple, par exemple. Quand Thomas a essayé de créer, Thomas Poussou qui n'est pas là, mais que je salue, quand Thomas a essayé de créer Mao Shoujo, il y avait plein de jeux, pléthore de jeux qui traitaient le même thème que celui de Thomas, à peu de choses près. Les lycéennes, les clovers, des jeux qui traitaient ce thème-là. Mais n'empêche que Thomas y a mis sa sensibilité. Il a traité de façon différente un thème qui existait déjà. On revient à la notion de culture pour un auteur. C'est-à-dire que si vous avez une culture, vous vous rendez compte qu'en fait, quel que soit le jeu sur lequel vous le jeu auquel vous avez envie de travailler, il y a déjà quelqu'un qui a travaillé dessus. L'essentiel, c'est d'apporter votre point de vue, et c'est même génial qu'il y ait déjà quelqu'un qui a travaillé dessus parce que ça va vous permettre de vous différencier. Moi, j'ai eu une expérience il y a pas longtemps. Ça fait 2 ans que j'ai envie d'écrire un jeu de rôle sur la mort, dans lequel il y a des personnages qui contempleraient la mort, un truc bon. Assez... Sur les near death experience. Les trucs alors non, ce seraient des personnages qui seraient enfermés dans un lieu et la mort viendrait d'une manière ou d'une autre, et il faudrait qu'ils se réconcilient les uns avec les autres avant de l'enfer, mourir. C'est les autres. Voilà, donc un truc assez, enfin pas super vendeur quoi. Mais bref. Ouais, bref. Et jusque là, c'était un jeu sur lequel je n'avais pas fait de recherche parce que je m'étais dit il y a personne qui. En fait, si, il y a déjà un jeu qui a été écrit qui s'appelle The Death Door, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, qui est un jeu sur la mort d'un point de vue d'un athée, lui avait fait un jeu de rôle sur la mort d'un point de vue religieux. Et il y a pas longtemps sur Silent Drift, il y a encore quelqu'un qui est arrivé avec un projet sur la mort, encore d'un autre point de vue. Mais c'est génial quand quelqu'un a déjà traité le sujet que vous avez envie de traiter parce que ça va vous enrichir, ça va vous permettre de vous différencier, vous dire ah ça j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Et puis au pire, si quelqu'un a traité exactement le jeu que vous vouliez faire, bah jouez-le. C'est génial. Il faut y jouer, vous n'avez pas besoin de le créer. Exactement, même pas besoin de s'embêter. Un jeu de rôle n'a pas besoin d'être vendable pour être intéressant et parfois il a même, besoin qu'on ait envie d'y jouer. Mais de toute manière, si vous créez un jeu de rôle qui vous plaît, il plaira à d'autres gens. C'est clair. Oui, sachant que dans tous les cas, vous allez avoir beaucoup de mal à en vivre. Exactement. De toute façon, si vous voulez créer un jeu de rôle, c'est surtout pour vous et pas pour du blé. Quoi. Enfin, je pense que c'est un. C'est sûr. De toute façon, c'est impossible d'en vivre à peu de choses près, à moins d'être un éditeur qui profite d'auteurs pour tirer des profits. Mais je vois pas comment on peut vivre du JDR autrement. Oh, ça casse. C'est voilà. Mais non, mais c'est la vérité. Je regrette. Donc. Premier, c'est un autre écueil à éviter, ne pas forcément aller voir, faire des études de marché ou je sais pas quoi pour voir si ça a déjà été fait. Ou alors si ça a déjà été fait, essayer d'aller au-delà ou d'y imposer votre propre vision, de rencontrer l'auteur, en gros, etc. Faites-vous confiance. Et puis si vous cherchez l'argent, de toute façon, si votre jeu est bon, un éditeur viendra vous voir. Là, ça c'est clair. Si vous cherchez d'argent, j'ai envie de vous dire, changez de métier. Thomas Poussou, pour ça, a une phrase excellente. Il dit, si un jour un éditeur me propose un jeu, je sais qu'il faut que je l'édite en indépendant. Ça veut dire que ça va rapporter des sous. C'est excellent. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres écueils? Est-ce que vous avez d'autres écueils en tête? Il est déjà tard dans ce podcast. Donc, si vous avez des écueils, faites court. Ah, moi, j'aimerais vraiment revenir sur l'aspect psychologique une dernière fois. D'accord. C'est vachement. Je t'en prie, Fabien. C'est vachement important. J'avais c'est une autre question pour la fin, mais je ne vais pas la poser. Créer un jeu de rôle. On va terminer. Enfin, je ne vais pas vous décourager, mais ça demande du temps. C'est difficile. C'est aussi pour ça que moi, Silent Drift m'a fait énormément de bien parce que j'ai eu des gens avec lesquels discuter. Mmh. Et je crois que si j'avais été tout seul, j'aurais abandonné au bout d'un mois. Enfin, non, peut-être pas, parce que j'ai quand même développé mon jeu un an tout seul sans avoir personne. La question de fin de podcast. Non, l'aspect psychologique. Et non, mais oui, effectivement. C'est difficile, donc c'est important d'avoir des gens avec lesquels se tenir chaud, avec lesquels se dire mon jeu il est merdouilleux, mais. Et puis. Ouais, voilà. On fait un petit test et puis on va voir qu'on modifie. Voilà, c'est ça. Et c'est important de se rencontrer aussi pour ça, ouais, parce que ça parfois vous rencontrez et puis en fait la personne vous aide ou vous dit moi je suis passé. J'ai eu des moments de plat dans Monosatos. J'ai failli abandonner. Je vais pas compter, mais. Moi, c'est un petit conseil positif aussi que j'ai envie de poser. Enfin, un conseil, mais bon, je sais pas, il sera pris comme il sera pris. C'est de se poser la question de savoir si ce que vous êtes en train d'écrire en termes de jeu de rôle n'est pas finalement propice à un autre médium. Je prends un exemple. Ah. Vous voulez par exemple créer un jeu qui s'appelle Sans Sexologie, qui va parler d'immortels. En fait, vous n'en avez rien à foutre des joueurs. Ce sont que des spectateurs qui regardent comment est-ce que vos immortels sont magnifiques. Bon, bah voilà, il fallait mieux écrire un roman, Romaric Briand. Donc il fallait pas. Ça, c'est parfaitement vrai. Ouais. Par exemple. Moi, voilà. j'ai parfois le sentiment que. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je bâche mon propre jeu. Non, mais c'est vrai, je bâchais le mien aussi. Moi, j'ai commencé à écrire Monostatos parce que j'arrivais pas à écrire. J'ai des kilomètres sur mon ordinateur de textes que je ne montre à personne, d'histoires qui sont pas très bonnes. et je me suis mis à écrire un jeu de rôle à la place d'écrire un roman, et je ne sais pas si c'est une bonne chose en fait. Mmh. Donc à mon avis, demandez-vous si vous aimeriez pas plutôt écrire un roman. Voilà, par exemple. Ou faire un film. Ou vous lancer dans le jeu vidéo, ou si vous avez envie de sortir un album. Faire de la musique. Faire de la BD. Taquer des murs ou faire pisser Mirza, c'est ça. Hein, faire une carrière de président de la République. Il paraît que ça rapporte. Hein. Plutôt que d'être MJ tyrannique, devenir animateur de radio. Devenir animateur de radio, voilà, exactement. Bref, des médias différents. Voilà. La politique vous tend les bras. Tu déconnes, Fly. Mais il y a plein de gens qui font du jeu de rôle parce qu'ils voudraient être réalisateurs de cinéma. Non, il y a des gens aussi qui font du jeu de rôle pour créer un chouette univers, alors qu'en fait, un chouette univers est très souvent plus propice à l'écriture d'une histoire plutôt qu'à un jeu de rôle. Exactement. Moi, je pense que la truc par lequel il faut démarrer, c'est par quelle expérience de jeu j'aimerais bien créer. Voilà. J'achète absolument, 100% même, d'accord. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci messieurs, mesdames, pour ce podcast extraordinaire. Je pense que moi, j'ai beaucoup aimé discuter de tout ça avec vous. Ah, si t'as aimé le podcast, c'est que peut-être il va pas être bon. Personne va l'aimer. Je sais. À chaque fois que j'aime un podcast, les gens le détestent. Natacha, t'avais une conclusion à apporter peut-être. Donc oui, effectivement, sur l'idée d'écrire un roman, surtout que. Enfin, des fois on a. Enfin, tu as prêché pour ta paroisse, toi. Non, mais je fais que ça depuis le début du podcast. Ah oui. Par expérience personnelle, on peut avoir du coup un univers en tête sans forcément d'histoire et du coup se dire finalement ça se prêterait au jeu de rôle. Non, je pense que justement il faut garder le média en tête. Mais en tout cas, il faut y réfléchir. Il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce que le jeu de rôle, finalement, est le meilleur médium ? Il faut que ce soit un choix. Est-ce que le jeu de rôle est le meilleur média pour créer des univers ? Oui, mais pas trop, parce que sinon, on n'avance pas. Est-ce que le jeu de rôle est le meilleur média pour créer un univers ? Moi, ma réponse, elle est claire, elle est non. J'ai l'impression que votre conseil, c'est par où commencer ? Bah, faut commencer. Allez, faut casse-toi. Arrêter de se poser des questions. Bon, arrête d'écouter ce podcast et va te mettre à ton traitement de texte. T'arrêtes ça, là, et tu reprends ton boulot ou ta création de jeu, là. C'est parti. Ciao. Salut. Salut. Ciao. Salut.